Chaos, confusion, embrouille à minuit. Octobre. La terrasse du restaurant est fermée. Faustine apprécie le calme intramuros. Tous les clients qui étaient partis en vacances sont désormais rentrés et les touristes ne viennent plus qu'au compte-gouttes. Souvent en transit d'ailleurs. Ils font la tête, ils sont de mauvaise humeur. Il va falloir reprendre le collier. Les travailleurs, eux, retrouvent leurs aises pour les 9 heures. On peut décompresser. Tous les jours ne sont pas drôles, bien sûr. Surtout celui où Rosa annonce son départ imminent pour l'Espagne, maintenant que le général dictateur Franco est mort. Faustine se dit que si tous les Espagnols quittent la Suisse, il ne va plus rester grand monde. Enfin, heureusement qu'on a encore quelques Italiens. Il n'empêche, Rosa, responsable du comptoir et personnalité omnipotente du Hard, va bien leur manquer. Un jour, Faustine sert 2 nouveaux clients lorsque le plus âgé lui demande si elle parle le français. Oui, répond-elle. Pourquoi? Parce que le jeune homme que voilà est français. Il travaille pour moi comme chauffeur de poids lourd. Le jeune homme en question s'appelle Bernard. Benny, pour les intimes. Et il raconte à Faustine qu'il va bientôt partir pour Istanbul. Un périple qui va durer plusieurs semaines. Faustine s'inquiète. Et vous y allez tout seul? Non, non, nous formerons un convoi à la frontière bulgare, histoire de nous protéger mutuellement. Question de survie. C'est vraiment formidable, soupire Faustine. Dommage que je ne puisse pas vous accompagner. Vous m'enverrez bien une carte postale, n'est-ce pas? Promis, lui répond-il avec un gentil sourire. Je ne vous oublierai pas. À peine franchit la porte, à son retour du travail, Faustine entend René hurler. Catastrophe! Il est furieux, il rouspète. Tu te rends compte, c'est la fin des haricots. Des moquettes se sont décollées. Je dois descendre tout refaire dans la semaine. Sinon, ils ne me paieront pas. Faustine est bouleversée. Oh non, comment vas-tu faire? Je ne sais pas encore. Je descends demain, je te tiens au courant. Aucun des deux n'a envie de rire cette fois, et c'est le cœur lourd que Faustine aide son amoureux à boucler son bagage. Elle le rejoindra sitôt qu'elle aura 2 jours de congé. Le vendredi suivant, Faustine arrive par le train habituel. René l'attend seul pour la ramener à Brissago. Il a confié Rex le chien à un ami. Il est content. Il a trouvé un logement gratuit. Tout bêtement l'appartement témoin situé au 3e étage. La moquette a tenu le coup, heureusement. Et il y a un lit correct. Il fait chaud. Il a juste mis 2 draps. Pour les repas, il se débrouille avec des boîtes de conserve et des sandwichs. Cela convient à Faustine qui s'installe à son tour. Comme elle vient de recevoir sa paye, elle se fait un plaisir d'inviter son ami au restaurant, histoire qu'il profite d'un bon repas. Il passe une excellente soirée. Le week-end s'annonce bien. À 22 heures, le couple se couche. Il sera réveillé en sursaut vers minuit. Quelqu'un vient d'ouvrir la porte d'entrée. Comment se fait-il qu'une clé soit restée dans la serrure? Interroge une voix masculine. René se lève en catimini et, nu comme un ver, va verrouiller leur chambre. Faustine tremble de tous ses membres, sachant qu'ils sont en infraction. Elle ose à peine respirer, s'enfonçant sous le drap comme un enfant qui met les mains devant ses yeux pour devenir invisible. Au bout d'un petit moment, les pas et les voix, il y a une femme aussi, se rapproche. On tente d'ouvrir leur porte. N'y parvenant pas, l'intrus s'énerve, donne des coups de poing, lâche une bordée d'insultes. La femme qui l'accompagne essaye de le calmer. Faustine et René retiennent leur souffle, muets comme des tombes. Il s'agit peut-être du propriétaire venu batifoler avec sa maîtresse ou une cliente potentielle. Au bout d'une éternité, le couple s'en va enfin, verrouille la porte derrière lui, enfermant Faustine et René par la même occasion. Sitôt qu'elle a réussi à se calmer, Faustine se lève, s'habille et rejoint René dans le corridor pour constater l'horreur de la situation. Ils sont emprisonnés au 3e étage d'un immeuble en cours de finition, sans aucune porte de sortie ni moyen de communication. Nous sommes dans la nuit de vendredi à samedi et personne ne pourra les libérer avant lundi matin. Pendant plusieurs heures, nos amis essayent en vain de trouver une solution. impossible, même pour elle qui est très fine, de se faufiler par le vasistas qui donne sur le couloir extérieur. Illusoire aussi d'essayer de descendre dans le jardin par le balcon. Pour finir, les deux amants décident de se recoucher et de dormir un peu. Ils réfléchiront mieux une fois reposés. Faustine tombe de sommeil. Elle ne se le fait pas dire deux fois. Après tout, c'est René qui les a mis dans ce pétrin. Qu'il trouve donc une solution. Quand elle se réveille en fin de matinée, René est absent. Il lui a laissé un mot lui disant de ne pas s'inquiéter. Il revient dès qu'il le peut. Faustine flemmarde jusqu'à 13 heures quand son homme arrive enfin. Il lui explique qu'il a réussi au risque de sa vie à enjamber plusieurs balcons, passant d'un appartement à l'autre jusqu'à ce que, au miracle, il trouve une fenêtre ouverte. De là, toutes les portes n'étant pas encore munies de serrures, il a pu descendre. Il est allé au bureau de vente, ouvert le samedi matin, et il a prétendu avoir perdu son passe. On lui en a donné un autre afin qu'il puisse retourner travailler. Ainsi se termine cette histoire dramatique.